Kang Jun-hak, président du comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie, a publié le 24 un entretien qui dit « Le maréchal Kim Jong-un, incarnation de l'idée de grande union nationale des grands leaders, a appelé lors du congrès du Parti du Travail de Corée toute la nation à s'unir étroitement sous le drapeau d'indépendance et d'union nationale pour édifier une puissance unifiée avec la volonté magnanime d'unité nationale qui réunit tous ceux qui veulent l'unité nationale, la paix et la prospérité de la nation. Tous les Coréens doivent s'engager sous le drapeau de la grande union nationale à la lutte colossale pour réunifier la patrie, vue de la nation, en suivant le noble dessein du grand homme sans égal Paek Tusan. Sur la base de l'idéal fondamental de la grande union nationale entre les Coréens, ils doivent réaliser la réconciliation et l'union nationale, ouvrir le grand passage à la réunification de la patrie, et ne plus tolérer les démarches des sionistes qui empêchent la réconciliation et l'union entre le Nord et le Sud, et poursuivre la confrontation fratricide de pair avec les forces étrangères. Grâce au camarade Kim Jong-un, patriote sans égal et guide de la réunification, notre peuple finira par édifier sur ce sol une puissance unifiée, digne et prospère, qui devance le monde avec l'esprit indomptable et l'intelligence particulière de la nation. »